Regarde les gens, ils pleurent tout le temps. Regarde-toi, tu ne pleures même pas. Regarde entre nous, c'est plus que l'amour. On rêve trop souvent comme pleurent les gens. Chercher trop la mort, on l'a trouvé. J'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait, la seule chose que j'ai fait.